reste, comment on oublie la fin, comment on se fout du reste, comment on se plaît, comment on se veut, comment on s'échange, comment on se partage comme comment on s'effleure, comment on s'éveille.